entre nous. Tout simplement, un autre monde. Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, un soleil pour Noël. Cette carte postale, elle a atterri dans mes affaires. Un soir de Noël, ma sœur l'avait retrouvée dans ses cartons et elle l'avait donnée à un de mes frères. Et en fait, moi, on m'avait fait une boîte en carton et cette carte postale était dans ma boîte à moi. Et c'est donc moi qui en ai hérité à Noël. Alors déjà, je me suis un peu énervée en pensant que pourquoi mon frère, il avait droit à cette photo et pas moi. Mais en fait, c'est moi qui l'ai reçue. Et cette photo, elle m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'elle représente le club de plage de mon papa, Claude Seunier, donc, qui s'appelait au départ le club du Triton et qui après s'est appelé le club Mickey. Et le bar du Soleil, mon père s'appelait Seunier, donc on disait que c'était le bar de Seunier, BDS, et on disait aussi le bordel de Seunier. On a aussi dit ça. Voilà, mais avant que ça devienne un bordel, qui n'en était pas un, avant que ça devienne ça, c'était un club de plage pour les enfants, avec un énorme portique, avec trois tables de ping-pong comme on voit là. Après, quand ça a évolué, il y a eu trois piscines, une grande de 25 mètres, une de 12 mètres, une ronde. J'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais vu un truc pareil quand même. Voilà. Et sur cette photo, il y a un monsieur en short, et en fait, c'est mon grand-père. Et quand j'ai retourné cette photo, j'ai vu que c'était mon grand-père qui avait envoyé cette carte à ma grand-mère, dont il était séparé. Donc, elle reste Madame Seunier, donc ils n'ont jamais divorcé, en fait, mais ils étaient séparés. Et donc, il lui écrit. Et cette carte, pour moi, elle dit plein de choses de mon histoire. Donc, moi, j'avais un an quand mon père a fait ce club de plage. J'ai commencé à marcher là, où j'ai commencé à ne pas marcher. Parce que je commençais à marcher à 11 mois. Et puis comme j'étais un beau bébé, on me prenait dans les bras. Je trouvais ça sûrement très confortable, plus facile que le marcher dans le sable. Donc j'ai arrêté de marcher. J'ai recommencé à marcher qu'à 13 mois. Donc voilà, Mouliette, c'est mon enfance. C'est moi, j'avais quand on arrivait à l'époque, on avait presque 3 mois de vacances, donc en fait, on arrivait là en juin. Et je me rappelle, il n'y avait qu'une route, et donc pour arriver à la plage. Et donc, quand on avait le dernier virage, on arrivait et quand on ouvrait les portières, ça sentait les pins. Et ça y est, quoi, c'était parti pour 2 mois d'été à marcher pieds nus, voilà, être au soleil. Voilà, on a campé, maman, mes parents, ils avaient 4 gosses au camping. Je me rappelle quand il pleuvait, qu'il fallait lever la bâche pour enlever l'eau. Enfin, bon, ça devait être folklore, quoi. Ma mère avait 4 enfants en 4 ans. Donc quand mon père a commencé, donc j'avais 1 an, ma sœur en avait 2. Maman était enceinte de mon frère. Et après, il y a encore l'autre frangin qui est arrivé, quoi, tu vois. J'ai oublié la toute petite enfance, hein. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, donc, c'est devenu donc, du club des Tritons, c'est passé au club de Mickey. C'était plus américanisé, on va dire. Et donc, mon père, il était son propre chef. C'était Zorro, c'était le roi, là, sur la plage. Bel homme qui draguait un peu les femmes, d'ailleurs. Hein, concours de plage, il draguait les mamans. Et puis nous, dans les concours de plage, on s'éclatait, quoi. Moi, je gagnais dans les grands, mon frère gagnait dans les moyens et le petit frère gagnait dans les petits. Et papa, il avait une Jeep et donc il mettait tout son matériel qu'il montait chaque année dans un blocos. Et dans ce blocos, il entreposait aussi tout ce qu'il recevait des entreprises, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qu'il sollicitait pour avoir des lots pour les concours de plage. Et nous, on bouffait tout. Donc, c'était quand même hyper folklorique. Voilà, puis on était tout contents de s'accrocher à la Jeep, là, sur les ailes de la Jeep. Un sur l'aile de droite, un sur l'aile de gauche. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Et papa, sur la plage, comme ça. Un de mes frères m'a expliqué après que papa lui avait appris à conduire la Jeep dans les pins, même. Parce que c'était un village, Mouliès, il n'y avait rien. Il y avait deux bars, il y avait deux campings. Moi, quand j'avais 15 ans, les 16 occupations, c'était le feu de camp sur la plage. Voilà. Et tous les jeunes se retrouvaient là. On était une cinquantaine de jeunes, pas plus, quoi, à l'époque. Il y avait un jukebox et on dansait là. Voilà, c'était l'époque. Donc j'ai commencé à marcher là, j'ai commencé à flirter là, dans les feux de camp à 14 ans. Et puis après, donc un été, ma sœur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que c'est ma sœur qui a initié ça, parce que dans un bal, alors il y avait le bal du 14 juillet, le bal du 15 août, donc on partait à pied au village qui était à 2 km, parce que là on était en bord de mer, quoi. Donc on allait au village à 2 km, sinon on était au camping en bord de plage pour le bal. Et je ne sais plus comment ma sœur a rencontré des gars qui étaient un peu DJ, qui faisaient la musique, quoi, qui donnaient du son. Et donc ils sont venus quelques jours après à la plage avec mon père qui avait fait qui avait donc maintenant cette grande piscine de 25 mètres. Il avait aménagé une sorte de bar à côté. Et du coup, les gars, ils ont en une après-midi, ils ont fabriqué un plancher. Et puis on a commencé à faire une boîte de nuit. Voilà, ça a commencé comme ça, le fameux bar du soleil. C'est transformé en boîte de nuit, un petit resto. Et puis dans la journée, moi quand j'avais 15 ans, avant cette expérience-là, je faisais aussi, j'avais demandé autorisation à mon père de pouvoir initier une garder des enfants. Donc, puis comme j'étais aussi un petit peu marginale, j'avais des copains assez marginaux qui squattaient, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc je leur donnais des sandwichs en cachette, je leur préparais des abonnements pour la piscine en cachette, pour l'année d'après. Inutilisable, évidemment. Ma sœur faisait surtout pas ça. Et nous, on s'est gagné les mobilettes, comme ça. On travaillait au bar et on s'est quand même gagné nos mobilettes. Et donc, j'avais créé une garderie d'enfants. Bon, j'ai pas dû en garder beaucoup. Mais je me rappelle une fois où j'étais partie faire une course, je sais pas quoi. Et j'avais donc laissé un gamin que je gardais à un de mes copains hirsutes, là, avec ses grands cheveux. Quand la maman est arrivée, ben, c'est lui qui gardait et je crois pas qu'elle me l'ait ramené après. Bon, ça, c'est les bons souvenirs. Après, il y en a eu d'autres où ça, c'était mes histoires d'adolescence, de tristesse, etc. C'était aussi ça. Mais enfin, après, ce qui était drôle, c'était que mon père, donc, pour créer ce club de plage, il fallait 3 semaines pour faire le montage. Donc, lui, il partait en juin. Il arrêtait son boulot de représentant. Donc pendant 3 mois, il était le roi de la plage. Il faut savoir aussi qu'il était maître nageur sauveteur et que quand les CRS qui faisaient office de maître nageur sur la plage étaient débordés parce que c'était une plage dangereuse dans les Landes, eh bien on faisait appel à lui quelquefois, quoi. Donc il allait aussi dans l'océan sortir des mecs, quoi. On appelait ça, il allait les sortir. On appelait ça comme ça. Oui, alors il était représentant et donc il montait son club pendant 3 mois. Donc moi, j'étais pas trop au moment du montage, parce qu'on avait encore l'école. On les rejoignait après, quand le club était monté, quoi. Et ensuite, il y avait 2 semaines de démontage, quoi. Mais quelques-uns restaient dans l'équipe. Je me rappelle, les soirs, alors on mangeait tous ensemble, donc ça faisait des tablés. On devait être 10-15 à manger le soir, quoi. Et je me rappelle, on attendait que le soleil se couche, et souvent, on cherchait le rayon vert. Bon, voilà. Donc, moi, ça a été mon enfance. Je pense que j'ai dû passer toutes mes vacances depuis mes 1 an. Jusqu'à mes 17 ans. Tout simplement, un autre monde. Un jour, il m'a dit, tu as une âme de fonctionnaire. Toi, tu as une âme de fonctionnaire. Et je l'ai très mal reçue. Et je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est flou hein, dans ma tête. Mais je l'ai mal pris parce que je sentais en lui une fibre qui se voulait foncièrement libre. Et quelque part, il l'était pour faire ce qu'il a fait. Il avait quand même, comme ça, une audace. Et puis, c'est quand même... Enfin, tout le monde ne fait pas un truc pareil, quand même, quoi. Il était créatif. Et donc, il avait une énergie, ancien rugbyman, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, il était à un deuxième niveau national. Il a joué dans l'équipe d'Auch, enfin, c'était un super niveau, quoi. Bon, voilà, donc c'était un mec qui avait de l'énergie. Et donc, et je pense que lui, son rêve, c'est ça, c'était de pouvoir être vraiment son patron. Il le réalisait pendant l'été, simplement. Et quand il m'a dit ça, j'ai pris ça comme une injonction négative. Voilà. Et de fait, j'ai été fonctionnaire pendant quelques années dans ma vie, le temps de travailler une mémoire, puisque j'étais éducatrice, une mémoire qui était en lien avec mon père. Mon père me faisait beaucoup rire. Vraiment, il me faisait rire. Et en fait, mais en même temps, je sentais ses failles. Et une des failles, une de ses failles, c'était ce goût de la séduction. Ce goût de plaire, et aussi aux mamans des enfants. Et je trouvais pas ça terrible pour ma mère, qui était là encore au début, avant qu'ils divorcent. Je pouvais prendre des bonnes choses, mais ça, j'ai pas aimé. Et non, j'aurais pas voulu faire comme lui, parce que je suis pas comme lui. Voilà. Il a dit aussi de moi il disait de moi que j'avais des oiseaux dans la tête. Et donc, des oiseaux dans la tête. Et je me suis toujours dit que si je devais écrire un jour mes mémoires, je prendrais ça comme titre. Et ce que je peux garder deux phrases de mon père, et ben cette seconde phrase-là, pour moi, elle était très... au contraire, elle était très positive, en fait. Parce que maintenant, je comprends ce qu'il a... Je comprends ce que lui-même n'a peut-être pas compris, mais le sens profond de ce que ça peut vouloir dire. Les os dans la tête. Voilà. Ben, je trouve que mon père a eu une bonne intuition de me dire ça. Un autre monde. Alors, sur la carte, c'est que quand j'ai analysé ce qui avait été écrit derrière, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que d'abord, j'ai réalisé qu'attends, mon père, quand il a eu ma sœur, il avait 24 ans. Il a donc, quand il crée son club, 26 ans. Et mon grand-père est venu l'aider. Et dans l'histoire familiale, on nous a raconté que les grands-parents étaient séparés, que ma grand-mère est partie travailler en Suisse, que mon grand-père était resté avec sa maîtresse. Enfin, moi, c'est ce que j'ai gardé en trace, en mémoire, on va dire. Et que mon grand-père ne s'est pas occupé de mon père. Mon grand-père aurait dit, quand mon père avait 14 ans, « Oh, je te le laisse. » Il aurait dit ça à ma grand-mère. « Je te le laisse, je ne sais plus quoi en faire. » Or, à 26 ans, il vient l'aider. Et donc, je me dis, mais cette carte-là, elle raconte plein de choses. D'abord, je vois que ma grand-mère s'appelle toujours Madame Seunier, donc je comprends qu'ils ne sont pas divorcés, je ne savais pas. Je comprends que cet homme qui est séparé d'elle depuis des années, il lui écrit quand même à elle, pour lui dire qu'il va aider leur fils, dont a priori il ne s'est jamais occupé, mais il vient spécialement pour faire la saison avec lui. Il parle de ma sœur et de moi dans la lettre. D'ailleurs, on parle de moi, Joël à l'époque, c'est le prénom qu'on me donnait, en disant que je suis enrhumée. Donc, ça dit plein de choses, quoi, de tout ce qu'on a pu se raconter, de toutes les histoires qu'on peut se raconter dans une famille, qu'on peut déformer à partir de je sais pas quoi, d'ailleurs. Et puis, il y a une carte comme ça qui atterrit dans un carton et qui, tout d'un coup, permet de remettre les choses un peu à leur place, quoi. Ou donner un autre angle de vue. C'était une carte postale, il y avait quelqu'un qui a pris ce club de plage en photo et qui en a fait des cartes postales. Et mon grand-père donc, a acheté cette carte postale et l'a envoyée à ma grand-mère et ça date de 57. Voilà. Et elle est postée le 19-08, une semaine après mes 1 an. Voilà, Sorionak, comme on dit au Pays Basque. C'était un autre soleil pour Noël. Un autre monde. Un autre monde. Une émission produite par Richard Federmann.